ray, pour mes horos, pour mes ray, pour mes horos. Négro, on s'en bat les couilles, bat les couilles. Quoi de neuf, Funny Baby? Swag, let's go. C'est pour mes ray, pour mes horos. Négro, on s'en bat les couilles. Sors ton gun, tire sur l'autre. Négro, on s'en bat les couilles. Pas de détails, vend en gros. Négro, on s'en bat les couilles. Tape de la C, tape de l'héros. Négro, on s'en bat les couilles. J'suis dans ma poche, mange un grec. Négro, on s'en bat les couilles. Frère, parle mal, fais pelleg. Car nous, on s'en bat les couilles. J'tiens mes couilles, ramasse tes douilles. Négro, on s'en bat les couilles. Elle pense à moi quand tu la ken. Négro, elle s'en bat les couilles. J'ai des dossiers sur ta meuf. Négro, on s'en bat les couilles. Le comico prend de la valeur. Si ma haute marée dans la fouille, rafale ta mère comme à Kaboul. Négro, on s'en bat les couilles. Roule sur l'or en semelle rouge. Négro, on s'en bat les couilles. Plus de ceinture, plus de lacets. Négro, on s'en bat les couilles. Change les hlènes en prostituée. Négro, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais Marine, je nique ta mère. Et ton père s'en bat les couilles. 78 YZ. Négro, on s'en bat les couilles. La barquette, l'aumônier. Rombeux, on s'en bat les couilles. Les balances sont fumées. Rombeux, on s'en bat les couilles. Une olive dans le terma. Rombeux, on s'en bat les couilles. Casablanca, Tema. Rombeux, on s'en bat les couilles. Gros big up au Jazeer. Là-bas, ils s'en battent les couilles. On veut de la frappe, des groupes des zones. Rombeux, on s'en bat les couilles. Daron n'a rien, c'est honteux. Négro, on s'en bat les couilles. Si je suis en chien, je braque un fouteux. Négro, on s'en bat les couilles. T'as plus de balles, mais un coup de crosse. Négro, on s'en bat les couilles. Ex dollar, je suis Paris Cross. Négro, on s'en bat les couilles. SLPR, le prétoire. Négro, on s'en bat les couilles. Comme la PAC de Seymar. Négro, on s'en bat les couilles. Pas les couilles. Si, si, so. Bien ou quoi, ma gueule? Bien ou quoi, Funny? Ça dit quoi, mon pote? Ah, on s'en bat les couilles, hein. Tu vois ça? Oh, t'as tué ça, frère. Mais laisse-moi te montrer comment on tue ça dans le 9-3. Hein? Ex-PLO. Test contre test, négro, on s'en bat les couilles. Cagouler le flingue sans ray, négro, on s'en bat les couilles. T'es en chien, t'as plus de goût, négro, plus rien dans les fouilles. Gros, ta carna, tout ton check-son qui va pleurer, t'as des pouilles. Si tu m'as de faire qu'ils ont bélier, négro, on s'en bat les couilles. Tu cherches qui le plus grand des refrains, négro, on s'en bat les couilles. Son terrain tourne à canard, va parler, négro, on s'en bat les couilles. La sœur d'un poteau, t'as ce plus, négro, on s'en bat les couilles. Théo Heps, elle s'en fout, négro, elle s'en bat les couilles. Cale d'oseille rien que pour elle, négro, est devenu fou. Star System, je reste au quartier, robeux, on s'en bat les couilles. Coca fraise, la serveuse est fraîche, robeux, on s'en bat les couilles. Prends ton bédo, prends ta zeb, négro, on s'en bat les couilles. Valise de coke, BKO, la zawad, on s'en bat les couilles. Vais te faire de l'oseille, aménage ta peine, négro, on s'en bat les couilles. Tu cherches qui? C'est moi que tu cherches, explosif, clic, clic, boum. Addict des gros talmas, Brésil, on s'en bat les couilles. Va te faire en coulo, tu veux m'enculer, négro, on s'en bat les couilles. On aime ça, la Junquera, là-bas, on se vide les couilles. Moi, j'aime tirer dans les bois, toi, tu ne connais que le bois. C'est violent, c'est Kaira, négro, on s'en bat les couilles. On s'en fout, si tu nous aimes pas, négro, on s'en bat les couilles. Tribunal, mon avocat, comme moi, il s'en bat les couilles. Que t'es Kebra, que t'es Chouara, tu repars avec ta fouille. Un coin de rue, une scène de crime, négro, on s'en bat les couilles. Une mère pleure dans les bras du tueur, négro, on s'en bat les couilles. J'ai Charles, la douane au péage, négro, on s'en bat les couilles. La Subaru des gendarmes, tu mets une tempête sur la route. Africa, Douala, Lagos, négro, on s'en bat les couilles. Argent halal, argent halal, négro, on s'en bat les couilles. Flow, machine, compté, euro, dollar, on s'en bat les couilles. Du 7-8 jusqu'au 9-3, négro, on s'en bat les couilles. Bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles.